D'abord il y a eu toi, belle comme un jour de fête, une vitrine de Noël. Alors, fasciné par ton corps, je t'ai logé dans ma tête, comme un cadeau du ciel. D'abord, il y a eu toi, et pour t'offrir un palais, t'offrir tout ce que tu voulais, devenir quelqu'un. Oh, d'abord, il y a eu toi, moi qui ne savais rien faire, j'ai couru toutes les galères pour toi. Toi sans qui ma vie n'est rien. Le temps m'engloutissait déjà. Pressé, je m'envolais dans des avions tout blancs. Follement, je travaillais pour toi, mais toi tu t'ennuyais ici en m'attendant. Oh, d'abord il y a eu toi, et dans ce grand lit glacé, je ne faisais plus que passer de loin en loin. Oh, d'abord mais tout m'éloignait pourtant de toi. Toi sans qui ma vie n'est rien. Oh, le temps aujourd'hui a fait de toi une autre femme, une inconnue, devenue si rare et si petite. Je ne t'entends plus. D'abord, il y a eu toi. Réussir, à quoi ça sert, si finalement je te perds, ça sert à rien. D'abord, il me faut toi. Je vais tout laisser tomber, revenir avec toi. Toi sans qui ma vie n'est rien.